Toujours un babe style que je m'installe. Yeah! C'est Triomphe. On chante ensemble tout le monde. Ooh yeah. Ooh yeah. Ooh. Érico série. Je m'appelle Coro Baby, mais tu peux aussi m'appeler Afro Didigui si tu veux. Je te rappelle mon ami, je suis celui qui fait tout déménager quand je peux. Sans mes habitudes, mon lore, ils te diront que je suis le plus mélodieux. Et quand je chante, tout le monde est content, t'as l'impression que les enfants de la merde. Je suis le maître, tu peux m'appeler Madagascar comme tu le sens. J'ai un flow qui ne fait pas peur, mais plutôt qui adoucit les mœurs et qui éveille les sens. Alors si tu veux, on y veut, on y veut. Rejoins-moi sur la piste, joli gola, rejoins-moi sur la piste. Madame mon coyer, rejoins-moi sur la piste. On va garder le goût. Je m'installe des mélodies que je déballe. Tout le monde en parle, faut pas qu'ils prennent des balles. Les gens ont tellement parlé, ils ont tout raconté. Mais je suis toujours calé, pas besoin de savoir danser pour vous égayer. Nous allons nous amuser, nous enjailler, nous éclater. C'est ce qu'on fait d'image. Dis que je vais fouler, je crémouser. Olivier de Pesky, je bouscule. Si vous êtes content de la sensualité, criez baby. Si vous êtes content, criez Philippe. Si vous êtes content de la sensualité, criez babe style. Comme vous êtes content, donc c'est très banal. Charlie Maybo, président de Gela Légende. Fabrice Denon, rejoins-moi sur la piste. On va péter les jeux. Ooh yeah. Ok. Rendez-vous pour mon style musique. C'est le prochain album. Akro Didigui. Respect.